glisse dans l'ombre des mondes. Chaque univers s'ouvre comme une lame. Des dunes de dunes aux océans de Sea of Tears. Chaque pas résonne. Chaque souffle commande. Reste brûle sous nos bottes, bas et pièges cachés. Le bois craque, la pluie tombe, ennemis épiés. Riderski à l'avance, maître des repères. Chaque tir, chaque plan est calculé avec lumière. La forêt observe, mais c'est lui qui contrôle. Chaque bruit, chaque mouvement devient rôle. GTA illumine la nuit, ruelle et néon. Allié fidèle, ennemi sous tension. Chaque coin devient théâtre, chaque toit l'opportunité. Riders Kill trace, chaque action devient l'égalité. La stratégie s'écrit dans les ombres urbaines. Chaque regard et chaque geste pèse dans la scène. Conquête et chaos, Riders Kill guide. Des mers aux dunes, chaque monde se plie. Base, navire, marché, ruelle. Chaque victoire claque, chaque aventure appelle. Nos voix s'élèvent et piquées, marquées. Chaque pas, chaque plan, légende gravée. Sea of Tears, brouillard épais. Silencieux, chaque voile, chaque cri devient dangereux. Riders Kill infiltre, sabre et pistolet prêt. Chaque ennemi surpris, aucune chance donnée. La furtivité danse avec la stratégie. Chaque attaque et chaque retrait, une symphonie. Wild West, supermarché, coin sombre, chaos maîtrisé. Riders Kill observe, planifie, frappe avec précision. Chaque allié suit, aucune erreur, aucune omission. Le danger rôde, mais la maîtrise domine. Chaque assaut devient victoire, chaque pas signe. Il avance, maître de chaque assaut. Le chaos est contrôlé, chaque victoire est beau. Conquête et chaos, Riders Kill.